Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous retrouverons Frédéric Bouchard pour la chronique sur les scientifiques méconnus. Frédéric Bouchard est à Paris et en se promenant dans le cimetière, il est tombé sur la tombe d'un savant méconnu. On rejoint Frédéric en direct de Paris qui va nous faire revivre ce savant méconnu. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour, bonsoir, salut. Ça va bien Frédéric? Oui, ça va très bien. Alors raconte-nous cette histoire que tu as faite au cimetière. Ben, je me promenais dans mon 14e arrondissement dans Paris et je suis passé dans le cimetière Montparnasse, qui est pas aussi connu que le cimetière du Père Lachaise, mais il y a quand même des gros noms qui sont enterrés là-bas. Et puis, je suis tombé par hasard, en fait, sur la tombe d'Urbain Le Verrier. Et ben, elle est remarquable, cette tombe-là, parce qu'elle est surmontée d'un gros globe. Un globe terrestre, on pourrait dire un globe céleste sculpté dans le roc avec les signes du zodiaque autour. Donc elle est on la remarque, disons, quand on passe dans le cimetière. J'étais pas au courant du tout de qui était cet Urbain Le Verrier là avant de tomber là-dessus. Et quel genre de personne c'était justement Urbain Le Verrier? Ben, Urbain, de son vrai nom, Urbain Jean-Joseph Le Verrier. Bon, il est né en 1811, donc début du 19e siècle, en Normandie, d'une famille assez modeste. D'ailleurs, on dit que son père aurait vendu la maison familiale pour lui payer des cours de préparation pour entrer à la fameuse École Polytechnique de Paris. Et donc, il va rentrer à l'école, c'est un élève brillant, et puis il va graduer de l'École Polytechnique de Paris avec en poche un diplôme d'ingénieur. Il va travailler à la Régie nationale des tabacs pendant quelques années comme chimiste, mais il n'arrive pas à se trouver de poste permanent dans le domaine. Alors, il attend, il fait des petits jobs comme on appelait ça à l'époque répétiteur, donc coach personnel de mathématiques, il est très bon en maths. Et il y a un poste qui s'ouvre en astronomie à l'École Polytechnique. Et puisque, justement, il y a la base des maths et qu'il y a aussi besoin d'argent à cette époque-là, ben il va poser sa candidature et il va obtenir un poste en 1837. Donc, il est âgé, il est dans la mi-vingtaine. Et ça va être vraiment le début de sa carrière scientifique, qui va être parsemé de moments forts, comme on va y revenir avec la découverte de nouvelles planètes. Et puis la naissance de la météorologie moderne. C'est un scientifique, mais c'est aussi un gestionnaire, et puis c'est un homme politique. Il faut quand même le souligner. Après sa découverte spectaculaire de Neptune, il est fait officier de la Légion d'honneur par Louis-Philippe Ier, qui est alors le roi des Français, mais c'est une période assez trouble en France. Le régime politique va être sur le point de changer. Il va y avoir une révolution en 1848, coup d'État en 1851, et c'est l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, alias Napoléon III, et de qui Urbain Le Verrier va être assez proche, finalement, il va être assez proche du pouvoir à cette époque-là. Donc, il va être élu député, il va être même sénateur, il va être impliqué politiquement aussi pas mal. Et c'est surtout, par contre, avec son rôle de directeur de l'Observatoire de Paris, l'Observatoire astronomique de Paris, qui va se faire connaître et en même temps lui attirer le plus d'ennuis, on pourrait dire. Et pour citer, je vais terminer cette partie-là avec deux citations de ses contemporains. Donc la première, ouvrez les guillemets, « L'insupportable caractère de Le Verrier faisait oublier sa grande valeur scientifique », fermez les guillemets. Et puis l'autre, c'est, ouvrez les guillemets, « L'observatoire est impossible sans Le Verrier et avec lui, plus impossible encore ». Donc, il y a vraiment beaucoup de... Il y a des astronomes qui ont claqué la porte à cette époque-là pour protester contre son leadership. C'était quelqu'un de, donc, apparemment brillant, énergique, mais en même temps, colérique, hautain, intempestif, insupportable. Et puis, ironie ultime, il va mourir en 1877, le 23 septembre, c'est-à-dire le jour anniversaire de, justement, la découverte de la planète Neptune. Mais parlons-en, justement, de cette découverte. Dans quelles circonstances s'est déroulée la découverte de Neptune? Ben, c'est justement, Le Verrier s'était attaqué à un gros problème, un problème astronomique qui traînait depuis plus d'un demi-siècle. On avait découvert la planète Uranus en 1781, donc fin du 18e, et on savait depuis ce temps-là que son orbite, l'orbite d'Uranus, était irrégulière. Et comme si cette planète-là, son orbite, était perturbée par un corps céleste inconnu qu'on n'avait pas découvert encore. Et en se basant simplement sur des calculs mathématiques assez complexes, Le Verrier va annoncer en août 1846, que finalement, il y a une nouvelle planète qui existe, qui n'a pas encore été découverte ni nommée, mais qui serait responsable des perturbations inexpliquées de l'orbite d'Uranus. Et cette planète graviterait autour du Soleil comme les sept autres planètes du système solaire, mais légèrement plus loin, donc. Et il va falloir seulement quelques jours à un astronome allemand, Johann Gall, pour localiser la nouvelle planète à l'endroit même, ou presque à l'endroit du ciel indiqué par Le Verrier. Donc, ça va être la première fois qu'un astre va être découvert par de simples calculs mathématiques et non par une observation directe à l'aide d'un télescope. Alors voilà qui nous fait découvrir le savant méconnu Urbain Le Verrier. Mais derrière Le Verrier, il y a un autre savant méconnu, un Anglais, je crois. Oui, effectivement. Ben, Le Verrier va retirer tous les honneurs de la découverte de Neptune en 1846, autant en France qu'ailleurs en Europe. Mais il faut savoir qu'en même temps, ou même avant, l'astronome anglais John Couch Adams de Cambridge est arrivé finalement aux mêmes conclusions, lui aussi avec des calculs mathématiques, et de façon indépendante de Le Verrier, même un an d'avance. Mais son problème, lui, c'est qu'il n'avait pas pu publier ses travaux à cette époque-là. Donc, si on veut, Le Verrier va avoir le déçu, où il va être arrivé à publier avant ses résultats. Et donc, c'est une petite, c'est évidemment une polémique de la Manche, comme on pourrait l'appeler, parce que ça impliquait la France et l'Angleterre à l'époque. Et ça va durer quelques décennies même. Et lorsqu'on regarde, ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que lorsqu'on regarde la position de Neptune sur une carte du ciel très détaillée, on voit que l'orbite de Neptune est à peu près à mi-chemin entre la position proposée par Adams et celle proposée par Le Verrier au milieu du 19e siècle. Et qu'en est-il des premières cartes météorologiques? Ben, ça, c'est l'aspect le moins connu de la carrière scientifique hors norme d'Urbain Le Verrier. Il a été connu surtout pour Neptune et pour son rôle de directeur de l'observatoire. Mais on ne sait pas, mais en quelque sorte, le père de la météorologie moderne, c'est que quand il est arrivé directeur de l'observatoire de Paris, il héritait d'un réseau d'une vingtaine de stations météorologiques répartis sur le territoire français. Et puis, petite parenthèse historique, on est en novembre 1854. Il commence son mandat de directeur et il y a une terrible tempête qui traverse l'Europe sans la moindre alerte et qui cause la perte d'une quarantaine de navires dans la mer Noire, entre autres, dont un navire français. Et pourquoi tout le monde se soucie de ça? C'est qu'on est en pleine guerre de Crimée entre l'Empire russe et une coalition qui va comprendre, entre autres, la France et l'Angleterre. Et donc, si on perd des navires, ben, il y a un problème avec ça, avec la marine, etc. Donc, on veut trouver un moyen, finalement, de prévoir les tempêtes et les autres événements météorologiques extrêmes à l'avenir. Et donc, Le Verrier, il s'intéresse non seulement à l'astronomie, mais aussi aux sciences plus appliquées, aux nouvelles technologies. Il y a le télégraphe électrique qui est en fonction depuis environ une dizaine d'années à cette époque-là, grâce entre autres à un certain Samuel Morse et son fameux code. Et donc, le coup de génie, si on veut, d'Urbain Le Verrier, ça va être de mettre en place un réseau d'observation des conditions météo sur tout le territoire européen, pas seulement en France, mais il va convaincre ses collègues européens d'observer les paramètres météo, le vent, la pluie, la température, etc., et d'envoyer ses résultats à chaque jour, à chaque matin, par le télégraphe à l'Observatoire de Paris. Et donc, à chaque jour, l'Observatoire va dresser des cartes météorologiques et ça va faire en sorte qu'on va passer des simples observations aux premières tentatives de prédiction météorologique, finalement. Parce qu'avec les cartes, on va voir l'allure des masses d'air sur le territoire européen. Évidemment, aujourd'hui, les outils ont radicalement évolué. On est rendu avec des satellites d'observation et tout, mais la façon de se représenter le temps qui fait sous forme forme de carte est restée pratiquement la même depuis cette époque-là. Et quel est l'héritage d'Urbain Le Verrier dans le monde des sciences et de la Terre et de l'univers? On pourrait dire, comme on a déjà mentionné, il y a eu une contribution qui a été remarquable pour la découverte de la planète Neptune simplement par les calculs. Faut pas oublier aussi qu'il a contribué à la renommée de l'Observatoire de Paris à une époque où il y avait une grande compétition avec entre l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Greenwich en Angleterre, entre autres à propos du méridien d'origine, donc la latitude, la longitude zéro, si on veut. Les premières prévisions météorologiques en France et en Europe, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Et quelques mois après sa mort, le gouvernement français va séparer l'Observatoire de Paris de son service météorologique et va créer le Bureau central météorologique, qui est finalement l'ancêtre direct de Météo France, qui est un organisme très connu dans le monde aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, on pourrait dire il y a un cratère lunaire, il y a un anneau de Neptune et il y a aussi un astéroïde qui porte aujourd'hui le nom d'Urbain Le Verrier. Il existe une rue Le Verrier dans plusieurs villes de France, incluant évidemment à Paris. Et signe ultime de reconnaissance dans le monde scientifique et technique, on pourrait dire en France, le nom de Le Verrier est inscrit en lettres d'or sur la périphérie du premier étage de la Tour Eiffel, donc parmi un groupe sélect de 72 personnages illustres en sciences et technologies. D'ailleurs, parenthèse, toutes des hommes en passant, toutes des hommes. Pas de femmes là-dedans. Ben peut-être que les femmes auront droit au deuxième étage éventuellement. Oui, les prochains étages, il faudrait que ce soit ça, effectivement. C'est ça, et le top aussi, là. Alors, écoute, merci beaucoup, Frédéric. C'était vraiment très intéressant. Alors, c'était Frédéric Bouchard, chroniqueur pour Futur Simple à Paris.